apprentissage de la luxure dans la norme. Mon vocabulaire ne manque pourtant pas d'adjectifs, mais mes superlatifs se montrent à tout jamais rétifs pour pouvoir retransmettre dans des termes corrects de quoi faire mes emplettes pour chanter à tue-tête. Que chaque jour j'espère revivre ce mystère, désirer plus qu'hier, rallumer cet enfer. Les tentations se multiplient près de la belle endormie. Je voudrais hâter son réveil et l'amener au ciel. Ni congé, ni vacances, et j'aurais même trop tendance à toujours vouloir souscrire l'assurance d'une vie de plaisir. Loin de me complaire dans des raisonnements trop hâtifs, je cultive pour lui plaire tous les mots interrogatifs pour pouvoir retransmettre dans les termes corrects de quoi faire mes emplettes pour chanter à tue-tête. Que chaque jour j'espère revivre ce mystère, désirer plus qu'hier, rallumer cet enfer. Je ménage sa beauté, tu sais si bien se dessiner quand mes doigts osent la frôler à l'aube de ses instants volés. Enfin je peux me dire que le menu est festif et je n'ai pas le souvenir d'avoir omis d'être attentif pour pouvoir retransmettre dans des termes corrects de quoi faire mes emplettes pour chanter à tue-tête. Que chaque jour j'espère